La vie fait mal dès le premier jour dès la naissance. Plus le temps passe et j'ai même plus envie de faire connaissance. Y'a pas que les actes et je te promets que les mots sont blessants. J'ai trop entendu, t'es mon frangin, on est en bleu sang. Je regarde les flammes danser dans le ciel, s'envoleront les cendres. J'attendais le retour de mon frère tous les 25 décembre. Chez nous, Papa Noël est au bar, on s'est fait la malle. Donc j'écris des poèmes pour essayer de chasser le mal. Isolé dans mon coin, ils diront que je suis devenu loco. Passé 30 ans sur le survêt, t'as toujours le croco. J'ai encore dans ma tête le bruit des clés et du loquet. Donne pas trop ta confiance, ils parleront comme des perroquets. Jalouse personne, faut rester concentré sur l'objectif. Je me sers du rap pour viser le cœur comme un projectile. Malheureusement, la cahier c'était devenu ma maison. Je pense à tailler, si rien ne change à part les saisons. Je marchais dans le froid, les pieds glacés, des chaussures trouées. Je me demande pourquoi ils ne se réalisent pas mes souhaits. On m'a dit que fallait bosser, redoubler d'efforts. S'il n'y a pas de vice de procédure, faudra garder la forme. Petit Papa Noël, si un jour tu descends du ciel, n'oublie pas ce que je t'avais demandé il y a 10 piges en arrière. Essaie de faire des cadeaux à ceux qui sont dans la misère. Que le bonheur ne soit pas toujours du même côté de la barrière. Petit Papa Noël, si un jour tu descends du ciel, n'oublie pas ce que je t'avais demandé il y a 10 piges en arrière. Essaie de faire des cadeaux à ceux qui sont dans la misère. Que le bonheur ne soit pas toujours du même côté de la barrière. J'ai fait ma liste, apparemment tu l'as jamais reçue. Les années sont passées et de plus en plus je suis déçu. Je t'ai pas demandé la lune ou une bagnole à 100 000 balles. Un instant je voudrais pouvoir serrer mon père dans mes bras. Devant des baraques où je voyais des éclats de rire. Et pour me consoler à l'arrêt de bus j'écris des rimes. J'ai vu que t'avais zappé des millions de gosses dans le tiers monde. Je me suis mis à rapper pour montrer que ma colère monte. J'aimerais savoir pourquoi les riches ont reçu leurs cadeaux. Et pourquoi t'avais rien pour nous quand tu vidais ton sac à dos. Et Père Noël, j'ai vu qu'en fait tu m'as vendu du rêve. Je t'ai vu passer en Lamborghini, j'ai pas vu tes rênes. En vérité je pense qu'au fond de toi t'es juste un crevard. Que t'as confondu le bar du coin avec un abreuvoir. J'ai regardé la neige la nuit au cas où je vois tes poids. Et j'ai compris qu'en fait t'es qu'un mytho qui existe pas. J'ai dans le froid, les pieds glacés, des chaussures trouées. Je me demande pourquoi ils ne se réalisent pas mes souhaits. On m'a dit que fallait bosser et redoubler d'efforts. S'il n'y a pas de vice de procédure, faudra garder la forme. Petit Papa Noël, si un jour tu descends du ciel, n'oublie pas ce que je t'avais demandé il y a 10 piges en arrière. Essaie de faire des cadeaux à ceux qui sont dans la misère. Que le bonheur ne soit pas toujours du même côté de la barrière. Petit Papa Noël, si un jour tu descends du ciel, n'oublie pas ce que je t'avais demandé il y a 10 piges en arrière. Essaie de faire des cadeaux à ceux qui sont dans la misère. Que le bonheur ne soit pas toujours du même côté de la barrière. Que le bonheur ne soit pas toujours du même côté de la barrière.